Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après avoir sauté pas mal de passages dans le livre, nous passons à Surat Saba. Fi al-Mas'ala al-Sabi'a wa arba'in ba'd al-Mi'a. 147e Mas'ala. Fi qawlihi ta'ala wa hal nujazi illa al-Kafur. Dans la parole au sens, dans le sens où Allah dit, est-ce que nous rétribuerons, c'est-à-dire en mal, si ce n'est que les grands mécréants. Verset 17. C'est-à-dire qu'il y a un sens de restriction que cette mauvaise rétribution ne sera accordée exclusivement qu'aux grands koufars. قَالَ هَذِي الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى كِلْتَ الْكِرَعَتَيْنِ تدل على خصوص جزاء المبالغين في الكفر وقد جاءت آية أخرى تدل على عموم الجزاء كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخر الآية. Donc ce noble verset avec ces deux récitations différentes mais qui toutes les deux arrivent au même sens nous démontre que la mauvaise rétribution ne sera attribuée en particulier qu'à ceux qui ont commis de l'excès dans la mécréance. Ceux qui ont commis de l'excès dans la mécréance. Et d'autres versets sont venus démontrer que la rétribution englobe plus que cela, touche plus de personnes que cela. Comme de la part dans le sens où Allah est dit, et que celui qui fera ne serait-ce qu'un grain de moutarde de bien le verra, et également celui qui fera un grain de moutarde de mal le verra. Zalzala, verset 7. Et d'autres versets sont venus pour démontrer cela. Qala wal jawabu an hadha min thalath awjuh. Al awwal an al ma'na ma nujazi hadha al jazaa' al shadid al musta'sila illa al mubaligh fi al kufran. Donc la première réponse dit qu'il y a trois façons de répondre à cela. La première, c'est tout simplement que nous ne rétribuerons pas de cette sévère rétribution, de ce dur châtiment, si ce n'est ceux qui ont excédé dans la mécréance. Donc c'est-à-dire ce n'est pas tout châtiment, mais c'est ce châtiment qui est extrêmement sévère. Athani, annama yaf'aluhu bighayr al-kafir min al-jazaa' laysa 'iqaban fi al-haqiqa li'annahu tathhir wa tamhis. Également que la rétribution, ce qu'on appelle rétribution par rapport au verset, qui en réalité ce que subira comme sentence autre que le kafir, c'est-à-dire le musulman, le muwahid, ce qui pourra mesalan endurer comme supplice dans sa tombe ou autre, ou même en ce bas monde, ou rel zalika. Mais là, il vise principalement après la mort. C'est ça le maxou du verset en réalité. C'est que cela n'est pas une mauvaise rétribution en réalité, mais tout simplement une purification. Pour le purifier de ses mauvaises actions, afin qu'il puisse par la suite recevoir la récompense. Qu'il est obligé de passer une épreuve pour pouvoir être de ceux qui méritent de rentrer dans le Jannah, mathalan. Donc ce n'est pas un châtiment comme serait le cas du kafir. Hada jawab. Al-Thalith, annahu la yujaza bi jami' al-a'mal. مع المناقشة التامة إلى الكافر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك وأنه لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قال لها ذلك العرض وبين لها أن من نوقش الحساب لابد أن يهلك. Et troisième réponse, qu'en réalité, que le seul qui sera rétribué pour toutes ses œuvres, chaque péché qu'il aura commis, chaque acte qu'il aura commis dans le mal, lui sera rendu en mauvaise attribution, et qui aura droit à munakasha, c'est-à-dire par rapport à ses actions, le seul qui aura droit à cela, c'est le kafir, en fait. Donc cette rétribution sera spécifique à chaque acte mauvais accompli par le kafir, car le muslim, on sait que des actes lui seront effacés et lui seront pardonnés. Si Allah le veut. Le kafir, lui, tout y passera. Et il aura droit à une munaqasha de toutes ses œuvres. Comme le prouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, celui dont le compte sera débattu, sera perdu. Et également, il a dit, lorsque Aïcha radhiyallahu anha l'a questionné à propos du verset, dans le sens où Allah a dit, et que certes, il lui sera rendu de compte de façon facile et retournera vers sa famille heureux. Surat al-Chikak, verset 9 et verset 8. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'exposition en fait. C'est-à-dire que le mu'min, ses actes lui seront exposés et il n'y aura pas de munaqasha. Il n'y aura pas de débat, de questionnement comme cela arrivera avec le kafir, avec le mécréant. Car après, il a démontré que celui dont le compte sera débattu, celui-là, sera voué à la perte. Et il s'agit de là du mécréant. Donc ça sont les trois réponses par rapport à ces versets. D'accord ? Donc, que même des muslims auront droit à une part de châtiment. Mais cela, soit pour certains de leurs actes, et non pas tous, soit c'est que ce châtiment ne sera pas le plus sévère, comme sera le cas des mécréants, ou soit dans la réponse que cela en fait n'est pas vraiment une punition pour eux, mais tout simplement une purification pour pouvoir par la suite avoir la plus grande des récompenses. Allahu ta'ala a'lam, walhamdulillah rabbil alamin.